soin. Chaque jour on meurt de faim. C'est une simple question de fric. Attendre après le FMI, attendre que de riches Américains donnent un peu et se sentent ainsi un peu moins mal. Quelque part en Amérique, Hillary a trop d'argent, a trop de grâce, ses organes sont finis, trop d'abus, il attend une greffe, il n'en peut plus. Petit Africain, attendre, veut bien marchander ses organes. Le monde est sur une liste d'attente. Le monde est sur une liste d'attente. Vends-moi tes organes et nourris ta famille. Ma richesse me concède une importance supérieure.